LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Oh là là. Vous savez, quand on prend la cage, nous on dit cage, on dit pas ascenseur, hein. Quand on descend, la vitesse elle est impressionnante. Au fond de la mine, Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Du fond, on peut expliquer comme on veut. Le fond, c'est un autre monde. Complètement, un autre monde. La descente, elle était de 16 mètres à la seconde. Vous rentrez dans la cage, il ferme la porte, il sonne, puis c'est parti. Et il y avait trois étages là. Ah, j'ai eu peur. Ah oui, vous avez l'impression que tout il remonte, que vous allez, le cœur il va partir. Oh là là là là là là. Les oreilles, vous savez, ça bourdonne dans les oreilles. J'avais le casque, j'avais la lampe, j'avais le bleu de travail, j'avais les chaussures de sécurité, j'avais le sac, la musette, comme on l'appelle, avec le casse-croûte. Et puis voilà. C'est quelque chose qui fascine. C'est mystérieux parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Je suis historienne des mines, je sais très bien, moi je travaille sur ce qui se passe à la surface. Savoir ce qui se passe au fond, c'est beaucoup plus difficile. Et tous les mineurs que vous interrogez disent d'ailleurs que ce qui se passe au fond reste au fond. Parce qu'ils disent que vous ne pouvez pas comprendre. Au fond, les gueules noires. Je me lève le matin, je vais prendre mon petit déjeuner, le chauffage il est à minima, ça caille un peu, on met un gilet, je bois ma tasse de café, je sors, je vais dans la voiture, déjà fait de sortir dehors, 0 degré. Bon, voilà. Denis Hilt. Je pars de la voiture est froide, je démarre. Ancien mineur. La voiture chauffe. Je fais 10 ou 15 km en fonction des mineurs. Certains en faisaient 30, même 40 ou même 50, certains. Donc la voiture, on a à nouveau bien chaud. Donc on arrive sur le parking du puits de la mine, on ressort de la voiture, clac, nouveau 0 degré. On commence à marcher, on va vers les badouches. Et là, quand on ouvre la porte, alors là, c'est patch, hein, c'est 35 degrés. Les badouches, ils sont surchauffés parce qu'il faut faire sécher les habits et tout. On va aux douches, se changer. Puisqu'on arrive en vêtements de, Louis Monneron, de ville, ancien mineur. Enfin, vêtements extérieurs, et qu'on va descendre au fond, donc on prend les habits du fond. On appelle ça les douches, nous, des endroits, ils appellent la salle dépendue. Et puis après, on passe à la lampisterie, on va prendre sa lampe. On a chacun sa lampe avec un numéro. Alors le chef lampiste, il était ici. Jean Lepsinski. Le chef lampiste, il avait son bureau. C'est lui qui donnait les lampes. Ancien mineur. Les lampes à flamme. Parce qu'on avait un jeton avec un numéro, vous 3128. Edmond, numéro de lampe 1182. On ne peut pas oublier. C'est le titre du premier chapitre. 1963, c'est l'année de ma première descente. J'ai 15 ans. Et c'est l'âge minimum à cette époque, autorisé à travailler au fond de la mine. Edmond Prudzak. Un métier que je n'ai pas choisi. Ancien mineur. Mais c'était la volonté de mes parents. Ma première descente s'effectuera à la fosse Neuve d'Arne, du groupe de courrières faisant partie des HBNPC, ou hier bassin Nord et Pas-de-Calais. Le grand jour est arrivé, si je puis le dire. Le petit déjeuner terminé et j'y vais. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, Edmond. Au vestiaire, j'ai retrouvé le groupe de jeunes avec lequel nous formons une équipe. Nous avons rendez-vous à la lampisterie avec notre moniteur Fernand Dievard. Le jeton, ou taillette, est une petite plaque de métal portant le numéro de lampe du mineur, que l'on accroche au-dessus de sa lampe. Ce procédé permet aux lampistes le contrôle des descentes et des remontes. Donc on s'habille, on s'équipe, 17 kilos, hein, l'équipement complet, hein, avec la lampe, puis avec l'appareil de survie, les bottes, enfin tout ça. Après on prend encore notre sacoche de matériel, et là on sort. On va prendre un couloir qui va nous ramener vers la cage. Et là, encore une fois, plat. Là, on se prend du moins 5. Ensuite, on arrive dans la cage, on descend, oh, et puis quand on arrive, disons, à l'étage 1036, la porte s'ouvre, on rentre, et là, encore une fois, plaf. On a à nouveau les 30 degrés. Ça met à peu près une minute et demie, une descente. Hein, donc, pour faire combien de mètres? 1000 mètres, hein, donc la moyenne des cages, on pouvait être à 90-100 personnes dedans. Hein. Et donc, une fois qu'on sort, on va vers un train. Donc, les chantiers, au fur et à mesure qu'on a exploité la mine, les chantiers se sont éloignés. Et donc là, on fait, pour certains chantiers, une dizaine de kilomètres, et puis on sort du train. Et si on était en dressant ce qu'on appelle la méthode d'exploitation, où les veines de charbon sont à la verticale, donc on monte dans un montage qui s'appelle le tubing. Quand c'est en fin d'exploitation, ce montage il fait à peu près 100 mètres de haut. Hein. Et donc ça veut dire que si vous êtes en fin d'exploitation, vous tapez encore 100 mètres d'échelle à monter avec le matériel sur le dos, la sacoche, les outils. Et ce moment-là, vous êtes dans votre chantier. Et là, on va commencer à bosser hein, quand même. Hein. Là, il faut commencer à faire du charbon. Taille désigne la zone d'abattage du charbon. Le fond de la mine. C'est une ville, complète au fond. Vous pouvez vous perdre au fond. Boète, galerie horizontale creusée à travers les rochers pour atteindre les veines exploitables. Elle sert à l'aérage et à la circulation. Enfin, nous arrivons à une intersection. Nous empruntons une galerie de section plus petite. Et je suis surpris par la différence de température avec celle de la Boète. Il fait chaud. Il y a les grandes galeries, après il y a les tailles, les veines, vous voyez ? Nous continuons à avancer. Veines, terme général pour désigner la couche de charbon. Les galeries se croisent et diminuent en sections. Il y avait des directions. Vraiment, il y a de quoi se perdre. Ouais, et puis on correspondait avec les autres mines à plusieurs kilomètres. Il y avait des plaquettes, et puis c'était marqué. Les veines de charbon, elles avaient tous des prénoms. Comme moi, Jean, il y avait des veines qui s'appelaient veines Jean. Finalement, c'est resté. Nous sommes arrivés sur le lieu du travail. Il fait encore plus chaud. Nous nous mettons à l'aise. Mais je garde mon t-shirt comme l'a conseillé mon père. Garde toujours ton maillot. Cela t'évitera, suite à des griffures sur la peau, d'avoir des traces bleues provoquées par la poussière de charbon. D'abord, la mine, c'est beaucoup sous la terre. Pas seulement sous la terre, il y a aussi beaucoup de mines à ciel ouvert et elles sont parfois tout aussi dangereuses que les mines sous la terre. Mais enfin, c'est souvent d'abord un monde dans lequel on entre en commençant par descendre, ce qui est très intuitivement désagréable en fait hein, pour l'être humain, de commencer par s'enfoncer sous la terre, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a envie de faire et qui probablement comporte une dose de peur, d'angoisse. Judith Reynorn. Historienne. Sous la terre, ça veut dire un monde extrêmement obscur. Pendant très très longtemps, que ce soit dans l'Antiquité et jusqu'en fait, au 19e siècle, hein, les premières lampes de mineurs, c'est le 18e, mais disons que c'est une lampe qui est portée individuellement par les mineurs et qui quand même éclaire avec un tout petit halo l'espace qui est juste autour de la personne. Donc c'est un monde qui est d'une immense obscurité. Et avec plein de moments aussi où les lampes s'éteignent, où on reste dans le noir total, y compris donc avec toutes les angoisses que ça peut charrier. Et tous les risques aussi de chute, par exemple, hein, parce qu'on ne voit pas où on met les pieds, donc on met les pieds dans des trous, on se casse la figure, voilà. Donc ça, c'est la première chose, l'obscurité, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement oublié, en fait, comme perception, nous, aujourd'hui, qui est cette obscurité presque totale. Le deuxième élément, c'est la chaleur. Bien souvent, c'est une chaleur très éprouvante. C'est concrètement quelque chose qui ressemble un peu à une image mythologique de ce que serait l'enfer. Quoi. Je m'appelle Monsieur Franck Daniel. Je suis né en 1949. On est des générations de mine. Hein. Pour ainsi dire, toute ma famille, mes oncles, mes cousins, on a tous travaillé à la mine. Mais j'ai pas été obligé d'aller à la mine. C'est un choix que j'ai fait. On creuse des puits de mine qui vont descendre jusqu'à 900 mètres de profondeur. Parfois, on a traversé des nappes phréatiques. Vous traversez une nappe phréatique, il y a toujours des infiltrations d'eau. Le taux d'humidité au fond de la mine, parfois, il est important. Moi, j'ai travaillé dans une mine, il faisait plus de 40 degrés avec 95% de taux d'humidité. On est en sueur en permanence et puis on a vraiment de mauvaises conditions. On n'a pas des positions correctes pour travailler. On travaille toujours à genoux, dans des petites ouvertures. C'est un milieu confiné. Donc, fatalement, c'est dur. c'est le bruit, c'est la poussière. Alors, au fond de la mine, le bruit, il est incessant. Une mine sans bruit, ça n'existe pas. Bruit des ventilateurs, bruit des marteaux-piqueurs, bruit des pompes pour évacuer les eaux, etc. Les sondeuses, les perforateurs, il y a toujours du bruit. S'il n'y a pas de bruit, c'est pas normal. Si on entendait le grès se déchirer, la roche... Bernard Rodriguez. Il y a tout qui tremble, le sang, les coups de couche. Ancien mineur. Toi qui descends, la sol qui monte, ou les parements qui se referment. On a toujours tendance à croire que ça s'écrase de dessus, mais en fait, la galerie, elle s'écrase de partout. C'était ça qu'il fallait surtout être prudent, quoi. On risque tout le temps de prendre un bloc ou quelque chose. Les gens travaillent aussi à l'oreille. Ils écoutent le terrain. François, ancien mineur. Ils écoutent le bois craquer. Les dialogues sont limités. On raconte pas sa vie au fond de la mine. Le risque est permanent, donc on écoute, etc. Sans se rendre malade. Hein. Il n'y a pas une anxiété permanente. Non, les gens, ils connaissent leur boulot. Moi, j'ai vu des abatteurs. Ils avaient une connaissance du terrain, la roche elle-même. Ils savaient, avec un marteau-piqueur, il faut commencer là. Parce que si tu commences ici, tu vas travailler une heure de plus. Parce que tu es au mauvais endroit de la roche. Ça s'apprend depuis tout jeune. L'abattage, c'est le but, c'est d'abattre du charbon. Abattage. Donc là, à la fin, on n'avait plus que des machines qui faisaient ça. Donc des action d'arracher le charbon. De bras avec des grosses fraises au bout. Et puis ça arrachait le charbon du mur. Et puis ça tombait ce qu'on appelle un blindé. C'est un système de chaînes à raclette qui emmenait ça vers le tubing. Et puis ensuite, il y avait tout un système de remonte par bande transporteuse qui amenait le charbon au lavoir où le charbon était lavé. Et moi, j'ai travaillé encore dans à l'ancienne foration tir. Donc en forêt, donc des trous, et on minait le mur avec des explosifs. Donc le bout de feu, il venait. Donc il y a un certain volume de charbon qui tombait. Donc ça, on appelait ça aussi des attaques multiples parce que sur un chantier de 250 mètres de long, on pouvait avoir 4-5 équipes à l'intérieur de ce chantier qui prenaient du charbon sur une hauteur de 5 mètres à peu près. Bout de feu. Dans les mines, ouvriers chargés de faire exploser une charge. Donc on a eu plein de métiers. Je crois qu'il y a eu... La mine avait besoin de 115 corps de métiers différents pour pouvoir que ça fonctionne. On comptait les uns sur les autres. C'est un autre monde quand même à la mine. Nous, on se compare un peu aux marins. Parce que c'est des métiers où on ne peut pas être individualiste. On est obligé de compter sur les autres. Et c'est du travail d'équipe et c'est intéressant aussi. On mange sa tartine, s'écrie Fernand. Une fois terminé, fermez bien votre musette et suspendez-la comme il faut, de préférence sur un crochet, car les souris arrivent à grimper le long de la paroi et se laissent tomber dans votre sac pour manger votre briquet. Mais ce n'est pas une raison de leur faire du mal. Elles sont très utiles. Si vous les voyez fuir, vous avez intérêt à les suivre, car elles nous préviennent d'un danger. J'avais le sac, la musette, comme on l'appelle, avec le casse-croûte. On l'appelle le briquet. À l'époque, le pain coupé n'existe pas. Donc maman, elle coupait les tranches de pain, elle les garnissait, elle les rassemblait, et puis c'était enveloppé dans du tissu. Et puis ça avait la forme d'une brique. Donc brique, briquet. Elle les garnissait avec quoi? Du sadou. Et de temps en temps, vraiment de temps en temps, mais c'était plutôt rare, un peu de confiture. Quoi. Parce que le père, il prenait du sein doux aussi. Parce que comme c'est un travail de force, le corps, il a besoin de gras. On faisait notre mallette pour manger notre casse-croûte. Mais avant de manger, vu qu'on ne mettait pas de gants, on reniflait nos mains. Pourquoi? Au fond, il n'y a pas de water. On faisait nos besoins sur les convoyeurs. Hein. Alors, quand les mains sentaient mauvais, on prenait de la poussière de charbon, on frottait nos mains, et puis on mangeait la tartine. On n'a jamais été malade. Tradition, non, mais c'est pas qu'on était sale du tout. Il faut savoir que dans les dernières années, il n'y avait même plus de casse-croûte ensemble. C'est-à-dire que dans une équipe de 4 ou 5 personnes qui étaient avec la haveuse, ça bossait tout le temps et les gars cassaient la croûte l'un après l'autre, seuls. Il n'y avait plus ce casse-croûte où tout le monde s'arrêtait en même temps, un coup de sirène, tout le monde s'arrête de manger en même temps, ça n'existait pas. Et nous, on avait un peu de chance, on avait une remise, une petite niche là dans la galerie où on avait notre matériel, notre outillage, donc on pouvait des fois s'asseoir. Alors que les mineurs, ils s'assoient sur un bout de bois. La poussière produite par les copains qui continuent à travailler, vous l'avalez aussi, en même temps que vous cassez la croûte. Je m'appelle Louis Monneron. Je suis né en 1939. J'ai travaillé d'abord dans une exploitation forestière. Et puis, je me suis embauché à la mine à 18 ans, en 1958. Le métier s'apprend petit à petit. Le premier jour où j'ai travaillé au fond, j'étais avec ce qu'on appelait un cantonnier. Au fond, il y a beaucoup de voies ferrées, puisque tout roule sur du fer, quoi, comme c'est un petit réseau ferré. Et donc, ça demande de l'entretien, puisqu'il y a quand même la nature qui travaille, qui soulève, et il faut réparer. Donc, j'ai passé une journée à réparer une voie qui avait été abîmée par la poussée du rocher ou par la poussée du charbon. Et donc, j'ai passé une première journée comme ça. Le mois d'après, je suis venu travailler de nuit. Et la nuit, nous ravitaillons en bois les tailles, c'est là où on arrache le charbon, pour les piqueurs qui allaient venir travailler dans les deux postes du matin et de l'après-midi. Et donc, on approvisionnait en bois tout ce matériel qu'il fallait pour que ces mineurs puissent, une fois le charbon arraché, boiser leur chantier, c'est-à-dire étayer leur chantier dans des bonnes conditions. Puis après, j'ai aussi participé à faire les remblais. Nous avions des couches pentues. Et donc, ces couches, une fois le charbon enlevé, nous versions du remblai qui arrivait de la surface, nous versions du remblai pour bloquer les terrains et faire que... remplacer le charbon, quoi. Puis après, je suis allé creuser des grandes galeries que nous appelions travers-bancs, des galeries à travers le rocher pour aller vers les couches de charbon. Puis après, dans des traçages, c'est-à-dire les galeries dans le charbon, pour préparer les tailles. Et là, j'arrachais du charbon ou j'arrachais du rocher. Moi, la mine, je peux la maudire. Hein, parce que... Et en même temps, je l'aime. Parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses, mais elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Quand je regarde le parcours que j'ai eu, donc quand je suis parti au fond, donc j'étais vraiment encore dans les tailles anciennes, et moi j'ai pas eu de chance, hein. J'étais dans une cage d'ascenseur, enfin ce qu'on appelle la cage pour des enfants, qui a lâché. Et bon, je me suis réveillé bien 7 mois après, et puis c'était une galère pendant plus de 2 ans, quoi. Faire tourner une mine, cette horloge-là, quand on voit tout ça dans un endroit grisouteux, ou faire tourner ça, cette mécanique... pour que tout fonctionne, il fallait quand même quelque chose dans la tête des gens, dire attention, il faut que je fasse gaffe à l'autre. Nous, on a juste une petite lampe. Mon copain, il est en train de faire quelque chose. Il regarde, mais il ne voit pas ce qu'il fait autour de lui. C'est moi qui ai son garant. Moi, je fais gaffe à ce qui se passe autour de lui. Et si je ne le fais pas, il va m'en vouloir. Donc cette promiscuité qu'on a à travailler ensemble, elle se forge. Il faut faire à mesure. Parce que quand vous faites un effort, vous êtes l'un à côté de l'autre, la sueur... Hein, la laine, ça existe, ça. On l'a fait quand on levait les étançons, des choses comme ça. Puis à un moment donné, c'est des choses qu'on accepte. Et ça, vous ne le faites pas dans la vie courante. Il y a plein de choses comme ça, il faut que ce soit concordant pour que ça fonctionne. Si l'homme met de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, d'un cœur trop bon. Avec 2 épaules pour charger le charbon, t'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. La pelle chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi? Je présente, l'os c'est le carreau de la fosse d'Arambert. Alors l'os c'est le puits numéro 1, le plus vieux de France. On va s'approcher un peu. Par là-bas ? Ouais. Oui. Alors là, c'est le puits, le chevalet, on dit chevalet ou chevalement. Tour au-dessus du puits qui permet le mouvement des cages. Là-bas, on voit le paratonnerre, regardez le piton, c'est le numéro 2. Et là, c'est le 3-4. Alors, comme ici, en activité, il y avait du charbon, Le premier étage, il se trouvait ici à 220 mètres. Après 334 mètres, 414 mètres, 578 mètres, jusqu'à 600 mètres. La première veine à 220 mètres, elle faisait 50-60 cm d'épaisseur. Et entre 300 et 400, on avait entre 3 mètres et plus. Les veines, elles étaient fort épaisses. Vous avez quel âge, vous, Jean ? Je suis de Jaszczyk, en polonais, 86. Vous avez travaillé ici ? Non, j'ai commencé à la sortie d'école dans les mines du Pas-de-Calais, au Chêne-Bru et Marle. Il y avait mon père qui travaillait là-bas. Alors j'ai voulu rejoindre mon père pour dire mes parents, ils étaient en Pologne. Et ils sont venus parce qu'il fallait du charbon. Et comme mon grand-père, il travaillait au charbon et toute la famille là-bas, ben ils sont venus faire du charbon dans le Pas-de-Calais. Ouais. Et là-bas, tout au bout, regardez. Vous voyez les deux portes ? Les bleus là ? Oui, tout au bout. Ouais. C'était la salle de paye. Parce que tous les 15 jours, on disait, on touchait la quinzaine du mineur de l'argent. On a battu ici le record de la production pendant quelques mois. 5000 kilos en jour. C'était le record. On a eu des médailles. En mars 89, l'activité a arrêté complètement et tout y devait être rasé. Ici ? Ici, tout y devait être rasé. En 92, 3 ans après, qu'est-ce qu'on a vu ? Arriver un certain bonhomme qui s'appelait Claude Langman. Il est venu avec un certain monsieur Depardieu, Renault, toute une équipe. Ils sont venus dans les corons, là. Et il y avait encore les maisons, les vieilles. Maintenant, elles sont abattues. Ils venaient voir les corons, les vieilles maisons. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'idée ? Ben, ça retraçait l'époque 1800. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce voisin ? Alors, Claude Berry, ben, il dit, c'est ici qu'on va tourner le film Germinal. Vous en faites pas, c'est du solide, monsieur l'ingénieur. Mais comment ça, solide ? La roche est en train de se tasser, vous voyez pas ? Et ça a démarré, vous tous la tête broyée. C'est vous que le film a commencé ici. C'est la compagnie qui prend les pensions. Après, à vos on femmes. A tourné des scènes là. Alors, j'ai plus de 30 figurations. J'ai donné même des répliques à des films. Quand on avait besoin de moi, j'étais disponible. C'est un bonheur. Ben oui. Ouais, j'étais dedans. Si on nous payait assez, on bosserait mieux. Regardez, là, ah ben voilà, voilà. Il y a un moment, Germinal. Tout ce que vous allez gagner, c'est qu'on vous fera un voisage à part et qu'on abaissera le prix de la berline. Miu Miu. Et je vous préviens, le chantier a 3 francs d'amende. Judith Henry. Allez. Depardieu, Renaud et... Et puis moi. Attends. Allez, on tire. Germinal, c'est un roman qui a donné de la fierté aux mineurs, parce qu'ils sont devenus sujets de littérature. Diana Cooper, historienne. Ils se sont sentis reconnus. Et j'en ai pour preuve que lorsque Zola est mort en octobre 1902, et ben les mineurs de Denain ont envoyé une délégation avec leur fanfare. Ils ont suivi tout le cortège. Et au passage du cortège, les Parisiens criaient « Germinal, Germinal ». Donc ils ont eu cette fierté d'être les sujets d'un roman. La deuxième chose, c'est que dans les professions manuelles, je pense que les mineurs sont les seuls à avoir autant écrit sur leur métier. J'ai repéré des dizaines et des dizaines, je ne sais pas, près d'une centaine d'ouvriers mineurs qui ont tenté leur chance en écrivant, pas pour devenir écrivain, certains le sont devenus, mais pas beaucoup. Et donc, ils parlent de leur métier. Quand ils parlent de leur métier, ils se réfèrent toujours à Germinal. On ne peut pas penser la place des mineurs dans la société française si on ne prend pas en compte Zola, la réception de Germinal. Xavier Vigna. Le roman sort en 1885. Historien. Juste après une grande grève, la grève d'Anzin, 1884. Pour la première fois, on voit des masses de mineurs qui font grève au long cours. Bon. Et donc, évidemment, il y a une répression, etc. Et Zola magnifie ça. À la fois, cette condition minière... Ce monde, non pas simplement des hommes, mais des femmes, les familles, etc. La dureté des combats sociaux. Et donc, c'est toujours cette ambivalence, c'est-à-dire que c'est des héros, mais c'est aussi des héros dangereux. Parce que les mineurs, et ça c'est aussi une autre facette du mythe, mais quand même, qui va être très insistante quand on creuse un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on insiste plus sur la partie positive du mythe. Mais en réalité, quand on creuse, et dès l'origine, il y a tout un discours, parfois très explicite, de mépris vis-à-vis de ces gens-là, qui sont des êtres frustes. Déjà qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont plus rien à manger. Tu te rends compte ? Eh, ça va, ils se foutent de nous ! On n'a plus qu'à crever. Dis-moi de Super Berlin, la journée, elle est complète. Et quelle solution qu'il nous reste ? Il y a du travail ici. On n'a pas besoin de feignants. Je crois. Ils nous servent de leurs bras comme un cochon de statue. Vous savez, on a beau faire, mais les souvenirs restent. C'est ouvert, hein ? Voilà, venez. Alors voilà, à la mémoire des 117 tués à la fosse d'Arenberg. Vous voyez, les victimes du travail. Alors, regardez. Ici, Renoncourt Henri. Quel âge qu'il avait ? 13 ans. Ouais, parce que mon père, il a commencé à la mine à 13 ans. Moi, 14 ans. Et après, c'est venu 16 ans. Ils ont augmenté. Oui. Donc, voilà. Alors, tous les tués. Là, grâce à Dieu. Regardez. Lefebvre. Marquant. Lecoq. Regardez, Lecoq. Bernard. 35 ans. Ça devait être moi. Pour une balle de charbon, il s'est engagé pour dire un peu trop loin. Et puis là, les terrains ils sont venus, tout y a été écrasé. Ah ouais. J'ai échappé, grâce à Dieu, comme on dit. J'ai échappé trois fois, ouais. Moi, au moins, peut-être trompe la mort. Il y avait des terrains, pour dire, très dangereux. Des tailles, des veines très dangereuses, que ceux qui venaient d'arriver, ils avaient peur. Alors je leur dirais, bon, tu te mets à côté, tu me surveilles, hein, et moi je m'engageais, j'avais pas peur. Pour les mineurs, je crois que c'est à la fois un métier et une condition dont ils sont fiers. Marion Fontaine. C'est aussi un métier, historienne. Et ça c'est vrai dès la fin du 19e siècle, que beaucoup ont essayé de fuir, sinon pour eux, au moins pour leurs enfants, dès qu'ils ont pu. Enfin, si on a dû faire appel à ce point à l'immigration dans le secteur minier, enfin, il n'y a pas de mine sans immigrés, ni en France, ni ailleurs, c'est aussi parce que c'est un travail qui use les corps de manière extrêmement intense et prématurée. C'est un travail dont la dangerosité n'est quand même pas démontrée. Il n'arrive pas des catastrophes comme celle de Courrières qui fit 1099 morts le 10 mars 1906 tous les jours. Mais les mineurs lorrains vous ont peut-être raconté des accidents dans les puits de Lorraine, y compris dans les années 60-70. On compte 30, 40, 50 morts par an. Voici la concession de Courrières en 1906. Ina, septembre 1978. Samedi 10 mars, au petit matin. Depuis deux jours, un incendie s'est déclaré dans une veine. Il a été réduit, interdit par des levées de terre. Mais le danger demeure. Grisou, gaz inodore, incolore, composé de 95% de méthane qui se dégage de certains charbons. Il peut exploser quand son taux dans l'air est compris entre 5 et 15%. À la maison, le bruit avait déjà couru, qu'il est arrivé une catastrophe. Les femmes couraient par droite, à gauche. C'est une catastrophe, ça pleurait. Nous, on se demandait, les jeunes, qu'est-ce que c'est de ça, une catastrophe ? Salomine, Méricourt, Billy Montigny, le bassin de Courrières s'étend sur plusieurs kilomètres. Un réseau de galeries relie les puits de mine et les puits d'aération. Ce décloisonnement serait salutaire en cas d'inondation, mais aujourd'hui, il intensifiera la catastrophe et l'étendra sur 100 kilomètres de voies souterraines. En 1906, les 1100 morts, tués d'un seul coup un matin de mars, ça révèle au monde les dangers de la mine. Quoi. Les gens s'en rendaient sans doute pas compte. Puis en plus, ils sont égarés. Il y en a qui reviennent 15 jours après avoir mangé les cadavres des chevaux au fond. Ils réapparaissent par une autre sortie. Le puits 3 est obstrué. Impossible d'y descendre. Certains parviennent à remonter par les échelles du puits d'aération. Alors que la compagnie avait dit on recommence à travailler, il y en avait qui erraient encore, un groupe de 7 ou 8, peut-être un peu plus, qui erraient encore au fond. Et ils remontent, puis il y en a un encore plus tard. Seul le puits numéro 2 est utilisable par les premiers sauveteurs. Personne ne connaît encore l'ampleur du désastre. Une explosion géante a ravagé le fond. Les gaz de l'incendie mal éteints ont déclenché un énorme coup de poussière. Ceux qui ne sont pas morts sous le choc seront presque tous asphyxiés sur place. Le mineur, c'est un héros, et le mineur, c'est un martyr. C'est les deux. Judith Rénorm. Le mineur, c'est un héros parce qu'il est courageux, il travaille dans un monde extrêmement dur, et il survit à ce monde. Et qui plus est, on construit la figure du mineur héros qui sauve la France avec la bataille du charbon, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est un héros, mais c'est aussi un martyr. On a oublié aujourd'hui un moment où le charbon est devenu l'espèce d'énergie fossile maudite, et à raison, de la transition énergétique. On a oublié que l'industrialisation, donc la mutation majeure qu'a connue l'Occident au XIXe siècle, ne s'accomplit pas sans charbon. Donc c'est pas n'importe quelle ressource énergétique, c'est la ressource énergétique sans laquelle la Grande-Bretagne ne serait pas devenue la première puissance mondiale, l'Occident n'aurait pas dominé le monde, nous n'aurions pas d'usines, nous n'aurions pas de téléphone portable, enfin, tout ça. Donc c'est aussi comme si les mineurs étaient, pour finir, les premiers porteurs de l'industrialisation. Je pense que cette double facette de la figure du mineur, pendant l'activité minière, on la retrouve en quelque sorte, une fois que l'activité minière est terminée, il y a à la fois une volonté d'héroïsation de ce passé qui passe complètement par, par exemple, le fait que le Nord-Pas-de-Calais soit le bassin minier, soit patrimoine mondial de l'humanité depuis 2012. Donc ça a été vécu comme, localement comme une victoire absolument incroyable, formidable, de reconnaissance encore une fois, à la fois de ce passé glorieux, mais aussi de reconnaissance de toutes les souffrances qui ont été associées. Il y a cette ambiguïté, en fait, qui est majeure, c'est-à-dire qu'il y a un attachement extrêmement fort au travail, aussi parce que ce sont des populations qui ont grandi dans le fait que le travail était leur manière d'exister, de compter, y compris comme figure héroïque, on va dire même à l'échelle nationale, et en même temps, une négociation perpétuelle entre cette figure-là et la figure du martyr malade, atteint dans la santé. Dans la tiédeur ou le froid des matins, été, hiver, sur les mêmes chemins, nous retournons toujours d'un même pas vers le trou noir qui nous attend là-bas. Et par dizaines, par centaines, par milliers, que les grands puits ont au fait d'absorber, nous arrachons des galeries sans fin le noir charbon pour gagner notre pain. En avant, gueule noire, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. Révoltés de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Le mythe minier, il a été produit par la production politique aussi. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier, dès la fin du XIXe siècle, le Parti communiste surtout, à partir des années 20, va faire du mineur une espèce d'incarnation idéale de la classe ouvrière, avec les métallurgistes. Quand on pense par exemple à l'Union soviétique, à Stakhanov, c'était un ouvrier du Donbass qui a réussi à produire à lui tout seul, je crois que c'est 102 tonnes dans la journée ou en 6 heures, et il est devenu le socialiste, l'homme socialiste idéal. Donc Stakhanov et le stakhanovisme, il est représenté par un mineur qui est capable de se surpasser pour extraire plus de charbon que tous les autres. Donc de ce point de vue-là, le mineur, c'est presque l'idéal type du prolétaire, parce que son métier est dangereux, parce qu'on le fait passer pour très courageux, parce que c'est très difficile. Cette revendication d'une fierté, on va la retrouver assez souvent. Mais ils insistent là-dessus parce que c'est un travail collectif. Il y a des équipes de mineurs. Et ces collectifs de travail favorisent des formes de solidarité. Ça déjà, c'est un motif de fierté. L'autre motif de fierté, les combats menés. Et ça, c'est un point important dont on n'a pas encore parlé, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les mineurs ont conduit des grèves très spectaculaires. Les plus grandes grèves pendant l'occupation, alors qu'elles sont interdites, ce sont les mineurs qui les mènent. Et spécialement, en 41, la grève du printemps 41 avec 100 000 mineurs, qui est de très loin le plus grand mouvement de grève. C'est les mineurs qui l'incarnent. Alors, elle démarre en Belgique, en fait, dans la métallurgie liégeoise, et elle passe en France, portée par des militants communistes, qui insistent à la fois sur la dégradation des conditions de travail, la réintroduction des méthodes les plus brutales de paiement, de rétribution du travail, enfin, le système Bedeau, bon, voilà. Et avec évidemment une dimension patriotique aussi. Et donc cette double articulation d'une grève contre le travail, le ravitaillement médiocre et contre les occupants, aboutit à 100 000 grévistes, c'est énorme. Et alors un point juste avant, parce que moi c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Le 11 novembre 1940, donc on est quelques mois après la défaite, hein, sans aucun mot d'ordre, il y a 35% d'absents dans les mines du Nord. Pour faire la nique à l'occupant allemand, le 11 novembre 40, il n'est pas allé bosser. C'est une manière de rappeler à l'occupant allemand que le 11 novembre 18, c'est la défaite. On a là une manifestation que je trouve admirable d'un sens de classe et d'un sens patriotique. Et de fait, dans cette idée, au sortir de la guerre, que la classe ouvrière a été la classe résistante, dans la classe ouvrière, les mineurs sont aux premières loges, évidemment. Du fait de ce rôle central des mobilisations, des grèves, enfin, etc. Et quand je parle de ces grèves dans le Nord, il y en a d'autres dans la Loire, en Saône-et-Loire, etc., etc. Ça joue dans le mythe mineur, ça. Dans cette construction des ouvriers qui travaillent dur, mais des ouvriers qui sont attachés au pays, qui sont français, entre guillemets. Ce qui est paradoxal, parce qu'il y a plein de mineurs étrangers. Mais bon, c'est intéressant, ça. Camarades mineurs! Chantons ensemble ces chants, témoins des joies et des peines de notre corporation minière. Chantons! Chantons pour la glorifier, pour la défendre. Chantons ensemble! C'était hier le meeting des mineurs, rassemblement de tous ces braves gens. Ils sont venus de toute la Lorraine. Sur le bord de la mer, il se lève plus d'un puits. Cuvelet, on est la perle, on y chante jour et nuit, malgré la poussière. Ben après tant d'années, je ne l'ai pas oublié. Marcel Zieder. C'était pas marrant, hein. Fallait avoir beaucoup de courage. J'ai commencé à mine le 13 août 48. J'ai eu 14 ans. Et j'ai commencé à la mine, d'abord au criblage. Qu'est-ce que c'est le criblage? Le charbon qui vient du fond de la mine, il est amené sur une bande où il y a le charbon et il y a encore des pierres dessus. Et nous, au criblage, on devait enlever les pierres. Donc vous triez? On devait trier. Et la bande ne s'arrêtait pas, jamais. Si on ne faisait pas bien le travail comme il faut, on nous accusait, les houillères, vous sabotez le travail de vos parents au fond de la mine, de vos pères. Donc c'était un rythme, c'est une bande qui s'arrêtait pratiquement jamais. C'était comme le temps de Germinal. Hein. C'était pas marrant. Il y avait même quelques femmes là aussi qui travaillaient encore là. Et pourquoi vous avez travaillé à la mine, Marcel? Alors, si j'énumère mon père, mon oncle, tous étaient mineurs. C'était une tradition. C'était vraiment pas une tradition. Il y avait que ça. C'était la mono-industrie. Mon oncle était à la mine, mes deux fils après la mine, moi, tout aussi loin que remonte mes souvenirs, c'est la mine. Hein. Mais après, même quand on descendait au fond, c'était pas facile, mais on était quand même contents et heureux. Il y avait une amitié, il y avait qui habitait dans les villages, qui venaient se rencontrer les week-ends. C'était une bonne ambiance. Même avec ce travail, hein, c'était... fraternité. Pourquoi, à un moment donné, vous vous dites qu'il faut lutter? Même quand on était au criblage, on disait, vous, qui habitez tout près du puits, ils voulaient nous faire travailler jusqu'à 11h le soir, 23h30, et souvent, on ne prenait pas trop de casse-croûte avec, on mangeait à minuit, et on a commencé à avoir des grèves, même en étant... tout jeune, au criblage, on a manifesté. C'est pour ça que j'ai adhéré tout jeune à la jeunesse communiste, à la CGT. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé en 48, cette grande grève. Et De Gaulle est allé dans le Nord pour redresser, parce que toute l'industrie, toutes les machines, tout devait être au charbon. Il n'est pas arrivé à relancer la production charbonnière. Et c'est Maurice Thorez... à Voisier, il a fait ce discours. Je suis même ému de l'intérêt de la force. C'est quand même exceptionnel qu'un communiste dit il faut produire. Il faut, pour lui, c'était produire pour notre indépendance de la France. Parce que les Américains, ils avaient déjà voulu faire un protectorat. C'était pas très clair. Hein. Alors, voilà. Oui, il y a eu tout ça. Et un an après, il y a donc eu cette grève de 48, terrible, même des chars dans les rues. En 48, il y a eu un tué là, à Merlebach. J'ai la photo de lui là. Grève de 48, Gérard Lambert. Pourtant, les mineurs ne se laissent pas impressionner. Dans le calme et l'union, la grève continue. Mais le gouvernement ne se contente pas de menacer. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coups de crosse. J'étais à ses côtés, quand il a été tué, à l'enterrement, il y avait des milliers. On avait exigé qu'il n'y ait pas de CRS, parce qu'il y avait toujours la CRS, jamais la police ou quoi. D'ailleurs, des femmes dans le Nord aussi marquaient, Jules Moc, c'était d'ailleurs un socialiste, Jules Moc en enfer, parce que c'est lui qui était ministre de l'Intérieur. Et il y avait les décrets Lacoste, où on licenciait des mineurs quand ils... avait une absence de 4-5 jours. C'était vraiment la répression. Et l'indignation monte dans toutes les poitrines. Parce que pour le peuple, la vie d'un homme, c'est quelque chose, monsieur Moche. Quelque chose de plus important que votre prestige gouvernemental. Et pour protester contre cet assassinat et les provocations policières, la Fédération des mineurs décide de suspendre la sécurité pendant 24 heures à titre d'avertissement. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Le jour même de cette décision, se servant de ce prétexte, le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles. Par exemple, on était ensemble, les jeunes, on parlait, on gesticulait. CRS venait, il dit, vous travaillez où? Alors celui qui disait, je suis au P5, on les amenait on l'appelait ça la Lone Hall. La Lone Hall, c'est la salle de paye. Hein, où là, il y avait certains qui étaient matraqués. Hein. Donc il y a eu... quand je dis qu'il y a eu un tué, il y en a eu 6 au niveau national. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on faisait à cette corporation vaillante qui vraiment était là pour cette bataille du charbon, pour l'intérêt de la France, pour son indépendance, de les tresser de cette façon. C'était une grève très, très, très dure. La lutte des mineurs est la vôtre. Elle est la nôtre. Et c'est pourquoi plus que jamais la solidarité doit les soutenir. Donner pour les mineurs, c'est donner pour soi-même. Garder leurs enfants, c'est protéger l'avenir de ses propres gosses. Prenez garde, tremblez, profiteurs et vendus. Le peuple vaincra, il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même, et parce qu'il est comme elle inébranlable et invincible. Et alors, il y a un épisode extraordinaire. Il y a une photo qui se trouve dans un journal de la CGT de femmes, de mineurs, qui entourent un inspecteur de police et qu'elles déculottent. Pourquoi ? Parce que cet inspecteur a été reconnu. Il était venu pendant la guerre arrêter des mineurs résistants. Il revient en 48. Les femmes le chopent et elles le mettent cul nu. Pour montrer à quel point on revient sur la libération, que ce sont les mêmes personnes qui avaient servi l'occupant pendant la guerre et qui, à nouveau, arrêtent les mineurs. C'est extraordinaire, comme cristallisation des antagonismes de classe que cette photo, quoi. Je me rappelle, moi je travaillais à la lampisterie, c'était au mois d'octobre 47. Ina, mars 2002. J'ai vu arriver un groupe de femmes qui sont allées, ils sont carrément entrées dans les douches, hein, les mineurs qui refusaient de faire la grève travaillaient. Quand le poste est remonté, les femmes sont rentrées dans les douches avec des trics, avec des manches de pelle et tout, et ils ont été matraquer les mineurs dans les douches. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort. Finalement, ça s'est terminé sans augmentation, sans remise en Louis Monneron. De l'indexation des salaires sur ceux de la métallurgie de la région parisienne. Ça s'est terminé par 4 000 licenciements. Ça s'est terminé par plusieurs milliers d'emprisonnements de mineurs cégétistes notamment, quoi. Et ça a été une grève, perdue pour les mineurs. Rien ne nous a jamais été acquis. Tout ce que nous avons obtenu dans les mines l'a été par la lutte, par l'action. Moi, je me souviens, on faisait des grèves essentiellement pour les salaires. On a fait des grèves, par exemple, en 1961, pour éviter qu'on nous mette les... Si nous avons un régime particulier de sécurité sociale, pour éviter qu'on nous mette les franchises qu'il y a sur les médicaments non remboursés, tout ça. Donc on s'était battu pour maintenir cet acquis. On s'est battu en 1963 pendant 5 semaines sur les salaires. Ça a été la grève, une des grèves les plus longues de 1963. Moi, ce qui m'a fait entrer dans le syndicalisme, c'était les conditions de travail. François, ancien mineur. On peut revenir sur une perte d'argent, mais lorsque vous avez perdu votre santé, vous ne revenez plus là-dessus. Le primordial pour moi, et pour beaucoup d'autres, c'est ne pas perdre sa vie à vouloir la gagner. Et donc, pour moi, le fond de toute mon action depuis 50 ans, c'est ça. Préserver la santé des gens. Permanence de la CFDT, des anciens mineurs de Frémin-Marlebach. Le mardi, c'est un jour où il y a plusieurs permanences différentes. Donc on a 3-4 militants qui font des permanences sur ce qui est les retraites. Les déclarations, par exemple, des gens qui arrivent à 62-63 ans, qui doivent faire valider leurs droits. Ensuite, il y a des permanences pour tout ce qui est problème d'affiliation, de remboursement de soins. Comme nous avons donc toujours la caisse minière, qui est un peu spécifique, mais il y a une délégation de gestion à la caisse primaire, donc il y a tous les gens qui ont des problèmes de remboursement, de transport, des choses comme ça, qui viennent. Donc nous avons aussi le mardi les permanences pour les maladies professionnelles, parce qu'on a énormément de gens qui sont atteints de maladies professionnelles, essentiellement respiratoires, hein, silicose, amiante, et puis pas mal de cancers aussi. Un taux de cancer beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Hein. Silicose. Pneumoconiose professionnelle due à l'inhalation de poussière de silice. Et on a permanence logement aussi, qui est assez spécifique, hein, puisque les mineurs ont toujours, de par le statut, le droit au logement gratuit. Donc il y a des réparations, par exemple, qui ailleurs sont à la charge des locataires, qui sont à la charge du bailleur. Donc il faut, pour que ces droits soient maintenus, il faut que quelqu'un s'en occupe, parce que sinon ils sont vite partis. Et alors vous, François, vous avez quel parcours ? Vous avez travaillé dans les mines, mais votre père aussi a travaillé dans les mines ? Oui, on va dire par hasard, oui. C'est-à-dire que mon père était maçon et il est venu à la mine parce qu'il n'avait pas de logement. Il construisait des logements pour les mineurs et nous, on vivait dans une buanderie, une annexe d'une cave hein, qui était sous-louée par un mineur. Voilà. Et donc, pour pouvoir loger sa famille, il a accepté de descendre au fond. Et pour lui, ça a été un crève-cœur. Il voulait pas descendre au fond. Hein. Il a toujours travaillé comme maçon, en plein air. Et donc, pour lui, ça a été très, très dur, ce travail au fond. Donc, il n'a pas supporté longtemps, d'ailleurs. Il est resté quelques années. Puis après, pour maladie, il a été mis dans un atelier en surface. Il a terminé sa carrière là, en surface. Et donc moi, par contre, je suis rentré directement au centre d'apprentissage à 14 ans. Mon père m'a dit « Écoute, t'es l'aîné, hein, on pourra pas continuer à payer tes études. » On est une fratrie de quatre. Et donc il m'a dit « Faut que tu commences à travailler. » J'ai suivi une voie où je suis devenu électromécanicien, au fond. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fur et à mesure de votre travail, François ? Qu'est-ce qui vous a plu ? D'abord, je veux dire, pour quelqu'un d'extérieur, ça peut paraître bizarre qu'on s'attache au métier. Mais je veux dire, il n'y a pas que des choses qui sont atroces au fond de la mine. Il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, de travail en commun. La vie, au fond, est très riche. Et bien sûr qu'on s'y attache. C'était pas le bagne, je veux dire. Les conditions étaient difficiles. Les conditions de travail. Les conditions physiques étaient difficiles, les conditions de sécurité étaient difficiles, de par le métier. Mais, je veux dire, nous avons, les mineurs, en particulier en Lorraine ou en France, ont créé les conditions pour que ça soit vivable. Il y a une charte de Charles VI, 1413, qui dit qu'il faut donner des franchises et des libertés et des choses aux mineurs, parce qu'on en a besoin, qu'ils soient français ou étrangers. 1604, Henri IV dit il faut qu'on prenne 1/30 de tous les bénéfices des mines pour payer des prêtres, des chirurgiens et des médicaments pour soigner gratuitement les mineurs. 1604. Donc la corporation minière était forte, puissante, jusqu'en 1791 où il y a une loi qui interdit les corporations. Hein, la loi Le Chapelier interdit les corporations. Et là, il y a la paupérisation du métier de mineur. Les capitaux rentrent dans les mines. Et toutes ces traditions minières où les anciens patrons étaient des mineurs eux-mêmes, ils connaissaient le métier, savaient qu'un mineur, quand il prend un peu de l'âge, ben, il faut qu'on lui donne un travail moins difficile, etc. Hein. Et donc les syndicats, les mineurs avec leurs syndicats, hein, ont obtenu un certain nombre de choses. On ne nous a jamais fait de cadeaux. C'est la lutte des salariés qui a fait qu'on est arrivé, on a... Sur la santé et la sécurité, nous, on n'a jamais transigé. Et au début, ça a été difficile. Et puis, bon, ben, il y a malheureusement des événements qui nous ont donné raison, comme la catastrophe de Forbach, hein, la dernière qu'on a vue. 2 mois avant la catastrophe, on dit, attention, on a un niveau de risque qui nous conduira forcément à une catastrophe. Et on sort un tract en disant, les mineurs, on aura assez d'écrire les statistiques de l'entreprise avec leur sang et leurs larmes. En gros, on se moque de nous. Et puis, 2 mois après, il y a 25 morts. Un coup de grisou suivi d'un coup de poussière. Ce qu'on disait, on dit attention, la situation de risque fait que c'est quasiment inévitable. Il y a trop d'insécurité. Les gens ne sont pas assez formés, etc. On avait donné des tas de paramètres. C'est pas une dénonciation comme ça en l'air. Malheureusement, il a fallu la catastrophe. Mais une fois cette catastrophe survenue, nous avons réussi pour la première fois en Lorraine à les faire condamner pénalement. Hein. Les Ouillères. La direction des Ouillères était condamnée pénalement. Et des responsables, des chefs de siège ont été condamnés en correctionnel. Et ça a complètement changé la donne. La fin des Ouillères a été complètement modifiée par ça. Et on a eu un taux d'accident à un moment donné avec la relance charbonnière de 81 qui était dingue, quoi. On avait 4 fois plus d'accidents que le bâtiment de travaux publics, quoi. Alors que c'est la branche en France qui est considérée la plus ancienne. Les Ouillères du bassin de Lorraine, au fond, avaient 4 fois le taux du bâtiment de travaux publics. Nous sommes les derniers mineurs de France métropolitaine. Eh bien, je veux dire, on s'est toujours battu pour vivre en homme debout. Eh bien, on va se battre pour mourir en homme debout. Ça, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de boîtes où 20 ans après la fermeture, vous retrouvez autant de monde. Vous êtes tous émus quand vous parlez de la mine. Non, moi je ne suis pas ému quand je parle de la mine, je suis ému quand je parle de la solidarité. De ce qu'on a vécu ensemble, oui, ça m'émeut. Voilà. Le passage, ce qu'il a fait. Visage, rien plus de troubleux. Si j'ai mes moins qui sont rogneuses, c'est qui j'ai ce, c'est un vieux. C'est d'un labyrinthe qui du travail. Et le ciel pour moi, c'est le toit d'Eltaïe. Quand tout craque, il faut d'un weppeuil. C'est le mestier qui vous qu'on s'espouse. À bourrer le cherbon au quartier, il vous rebire à l'éalpose. C'était au fond de la mine. Au fond, les gueules noires. Avec Xavier Vignat, Judith Reynorn, Daniel Franck, Denis Hilt, François, Jean Lipsinski, Louis Monneron, Marcel Zider, Bernard Rodriguez, Edmond Prudzak, Diana Cooper et Marion Fontaine. Lecture des textes Yann de Monterneau. Merci à la permanence des anciens mineurs de la CFDT, Frémin Merlebac. À Virginie Malolepsi, directrice des archives du Centre historique minier Léouard, pour sa précieuse collaboration. À Karine Sprimont et à toute l'équipe du Centre minier de Léouard. Merci à Yvon Boisdin. Merci à Lina et à Ingrid Anne-Lecointe pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France, prise de son Frédéric Kérou et Raymond Albouy, enregistrement Sébastien Royer, mixage Antoine Viossa, stagiaire Clara Caverchine, attachée de production Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Si c'est vous qui me paillez le cuisine, vos vicaires tout par mes bras, c'est moi qui remplis vos boudins.